En Corée du Sud, Yonhap News, le journal d'internet Tongnyeos et autres médias ont fait part que le refus de l'enquête du parquet par Bakune sans égard à la manifestation à la bougie d'un million de personnes suscite une grande réaction chez les compatriotes aussi, sans parler de toutes les couches sociales sud-coréennes. Le 21, en présence du délégué, du membre suprême et d'autres personnes du Parti démocrate de Boulot, comme des membres principaux, est constituée à la ville de Daejeon la direction du mouvement pour la souveraineté de la population et la démission de la présidente Bakune du Parti pour les villes de Daejeon et de Sejong, alors que dans la ville de Seolla du Nord est fondée l'action du christianisme du Jeonbuk pour la démission du pouvoir de Bakune, constituée de 26 formations. Le même jour, à Séoul, 12 formations des handicapés telles que l'Association générale des formations des handicapés et l'Association générale des centres de la vie autonome des handicapés se sont réunies pour revendiquer la destitution de Bakune et le Conseil national d'actualité des étudiants a tenu la cérémonie de proclamation de la mobilisation générale des étudiants avant de proclamer de se mettre en grève illimitée, à commencer par le 25 novembre. Le 22 courant, le Conseil des Églises chrétiennes de Corée du Sud a publié une déclaration contre Bakune qui a refusé l'enquête du parquet. 5 formations des hommes littéraires représentant le progrès et le conservatisme dans le monde littéraire, notamment l'Association des hommes de lettres, l'Association des romanciers et le Conseil des écrivains, ont publié le 21 en commun un manifeste d'actualité pour la retraite de Bakune. Alors que 151 professeurs coréens aux États-Unis, de 84 universités et instituts partout aux États-Unis aussi, ont rendu public un manifeste d'actualité invitant à ne pas laisser finir son mandat la présidente qui s'est moquée de la loi. Par ailleurs, les 21 et 22, le journal sud-coréen Kyungyang Sinmun a véhiculé un éditorial contre Bakune qui a refusé l'enquête du parquet et le journal d'internet Chazu Sibo et le journal d'internet des Coréens aux États-Unis Minzok Tongsin ont fait paraître des numéros réclamant la destitution immédiate de Bakune, dont la cote de popularité a abaissé à 4%.